savait, fallait pas y toucher. Un jour il faut payer. Je lui disais, laisse tomber. Elle croyait braver tous les dangers, mais pouvoir s'arrêter quand elle voudrait pour la garder. Je la suivais jusqu'au bout de la nuit. Quand j'ai réalisé, j'ai compris que tout était fini. L'amour n'a pas suffi. Elle est partie sans bruit et je l'avais suivie au bout de sa folie jusqu'au bout.